Leçon 2, exercice 66, caractériser. Relier. Exemple. Cet homme, il aimait les femmes. L'homme qui aimait les femmes. À vous. Cet homme, il rit. L'homme qui rit. Cet homme, il voulait être roi. L'homme qui voulait être roi. Cette ville, son prince est un enfant. La ville dont le prince est un enfant. Ce pays, j'en viens. Le pays d'où je viens. Cette femme, elle pleure. La femme qui pleure.